Jus de mots. Savez-vous quel est le point commun entre un robot et une sauce napolitaine? J'ose à peine le dire, tellement c'est nul. Ils sont tous les deux aux tomates.